Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'affaire Tonya Harding. I would like to begin by saying how sorry I am about what happened to Nancy Kerrigan. I am embarrassed and ashamed. Le 27 janvier 1994, la patineuse Tonya Harding se dit désolée de ce qui est arrivé à sa rivale Nancy Kerrigan le 6 janvier. Elle se dit aussi honteuse de ne pas avoir révélé à la police ce qu'elle avait appris après coup à propos de cette attaque qu'avait subie Nancy Kerrigan. Tonya Harding se dit enfin choquée d'avoir appris que certains de ses proches avaient planifié cette attaque contre Nancy Kerrigan pour l'écarter de la compétition en la blessant volontairement au genou. Mais ces apparentes confessions de Tonya Harding cachent encore le principal. On va savoir plus tard que Harding savait tout depuis le début et avait même participé elle-même au complot contre Nancy Kerrigan. Cette affaire Harding, qui débute à la toute veille des Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer, va passionner la population américaine et va durablement imprimer sa marque dans la culture populaire américaine, au point d'être récemment portée au grand écran par Hollywood. Ceux qui m'haïssent disent toujours « Tonya, dis la vérité !» Tonya, une question ! Ça n'existe pas, la vérité. Tout le monde a sa propre vérité. J'étais la meilleure patineuse artistique du monde pendant un moment. C'est ce que t'appelles patiner, bordel ! Pas de gros mots devant les enfants. J'ai rien dit de mal, connasse. Qui elle? Vous avez déjà baisé? Mais qu'est-ce qui se passe? On est du FBI, ils savent quelque chose. Que pouvez-vous nous dire sur Tonya Harding? Je connais pas de Tonya Harding. Vous êtes pas son garde du corps? Extrait de la bande-annonce du film « Moi, Tonya », réalisé par Craig Gillespie en 2018, pour revivre l'affaire Tonya Harding, cette affaire qui va vraiment passionner l'Amérique pendant des semaines. Je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quel impact ça a eu, cette affaire-là, l'affaire Tonya Harding aux États-Unis? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore dans la culture populaire américaine, Karine? En fait, ça représente beaucoup de choses parce que c'est arrivé au moment où les télévisions câblées commençaient à prendre de l'expansion et c'était un épisode parfait pour la télévision câblée et ça va créer une véritable frénésie. En fait, autant auprès des médias que du grand public, on va suivre ça comme un roman feuilleton, cette affaire. C'est un scandale qui est fait pour la télévision câblée. Vous avez deux protagonistes, une qui incarne le bien, une qui incarne le mal, et toutes deux se mènent une espèce de lutte pour l'affection du public. Là, c'est vraiment monté, présenté comme ça. Et ça va contribuer aussi à la montée en flèche de la popularité du patinage artistique aux États-Unis, alors que c'est un sport habituellement qui est peu vu à la télévision, peu populaire. Des journalistes, les caméras vont s'installer à demeure devant la maison de l'enquête principal, Benny Napoléon. Et donc, ça va devenir un événement de la culture populaire à tel point que Barack Obama lui-même, pendant la campagne des primaires démocrates de 2007, va dire dans un discours, et je le cite, que personne ne croyait que j'aurais une chance à moins de briser les genoux de mon adversaire, à moins de faire un Tonya Harding. Ouais. Donc, l'expression « faire un Tonya Harding » fait maintenant référence à l'idée de s'en prendre physiquement à ses adversaires pour l'emporter. Donc, on voit bien que ça a imprégné la culture populaire américaine. Ouais, il y a eu ce film qui vient d'être fait récemment. Des opéras, il y a un musée, Tonya Harding et Nancy Kerrigan, à Brooklyn, à New York. Donc, des épisodes qui ont été repris dans des sitcoms, toutes sortes de choses qui nous rappellent régulièrement cette affaire. Bon, alors avant d'aller plus loin dans cette affaire-là, présentez-nous d'abord la principale protagoniste de l'affaire Tonya Harding, Tonya Harding elle-même. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fille-là? Tonya Harding est née en Oregon en novembre 70 dans un milieu très pauvre. Ses parents vivent de petits boulots, des gens peu éduqués, une mère plutôt abusive. Physiquement, psychologiquement, évidemment. Ses parents divorcent quand elle est adolescente, donc ça va créer un peu de problèmes parce qu'elle est très proche de son père. Elle aime chasser, pêcher avec lui. C'est une petite tomboy, comme on dirait au Québec. Donc, assez baraquée pour une patineuse artistique. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça qui va faire sa force parce qu'elle est très sportive. Et dès 3 ans, elle va commencer le patinage artistique, mais ce qui va faire en sorte qu'elle y performe bien, c'est vraiment sa force. Elle n'est pas très bonne en danse, elle n'est pas très élégante. Elle est plutôt, effectivement, vous l'avez dit, plutôt baraquée pour une patineuse, mais elle est très forte. Alors, elle va réussir des sauts de façon impressionnante et c'est ça qui va la faire gravir rapidement les échelons. Elle est tellement bonne en patinage, en fait, qu'elle va abandonner l'école secondaire pour se consacrer au patinage et va s'améliorer. Elle a des problèmes d'asthme, mais elle va continuer quand même à s'améliorer. Elle a des problèmes avec sa mère pendant qui sert de gérante, en fait, ouais. qui sert aussi pendant un certain temps d'entraîneuse jusqu'à temps qu'elle trouve les sommes pour la faire entraîner par quelqu'un d'autre. Et dans le film, justement, dont on parlait, ben, Tony Harding dit « Ma mère m'a physiquement m'a frappé, me traitait très mal. » Sa mère l'admet à demi-mot, mais elle dit « Sans moi, ce serait pas rendu là. » Alors, enfin, bref, on voit là, c'est un pattern d'enfance, d'adolescence plutôt malheureuse, ouais. plutôt difficile aussi, qui va forger la personnalité de Tonya, qui va en faire une combattante, qui va en faire quelqu'un, justement, qui n'a pas peur de se battre dans la vie pour atteindre ses objectifs. Elle va essayer de sortir de cette relation abusive avec sa mère. Elle va se marier à 19 ans avec un type qui s'appelle Jeff Gillooly. Donc, elle souhaite se libérer de l'emprise de sa mère. Gillooly, cependant, va reproduire un peu ce même schéma-là, va aussi la tapocher de temps en temps, ouais. comme on dit en bon québécois encore une fois. Violence psychologique, violence physique aussi. Ils vont divorcer un peu plus tard, mais resteront reliés parce que Gillooly sera éventuellement son gérant là, à une certaine époque. Good girl! Oh, isn't that great? The first time an American, only Midori Ito, has completed a triple axel in competition. Oh, how nice! Comme vous vous souvenez, j'ai dit qu'elle a fait le triple axel, 3 tours et demi dans l'espace. Ça, c'est extrêmement difficile à faire, et il n'y avait que Midori Ito qui l'avait déjà fait. Elle a osé le faire au championnat des États-Unis, le réussit. Évidemment, pour les Américains, c'était fabuleux. Ils avaient une fille qui faisait des sauts que les messieurs faisaient. Il n'y a pas beaucoup de femmes, même à l'heure actuelle, qui font ce saut-là, et je crois que on n'a encore pas beaucoup d'Américaines qui le tentent actuellement. And what a moment for this young lady! Oh, nice. Just terrific! Just terrific! C'est lors des championnats américains de patinage artistique de 1991 que Tonya Harding se fait remarquer. C'est à cette occasion qu'elle devient la première Américaine à réaliser un triple axel en compétition, ce qui est exceptionnel, comme le rappelait à l'instant Alain Goldberg dans cet extrait de l'émission Variation Goldberg sur glace diffusée en 2014. Elle en est où, Tonya Harding, Karine Prémont, au moment où elle réussit ce triple axel en 91? Elle en est où dans sa carrière à ce moment-là? En fait, elle est en pleine croissance, si on peut dire. Elle se fait surtout remarquer en 89 pendant la compétition de Skate America. Elle va remporter cette compétition-là et c'est ça qui va la placer parmi les espoirs les plus importants du pays. Donc, ça en fait une athlète, en fait, qu'on surveille, en qui on va mettre beaucoup d'espoir. Et ces espoirs se concrétisent en 91 pendant les championnats américains. On l'a dit, c'est la première femme qui va réaliser le triple axel, mais elle va aussi obtenir la première note de 6 pour le programme technique. C'est la première fois, en fait, depuis 73 qu'on attribue cette note-là. Donc, ça la met, encore une fois, à l'avant-plan des espoirs de patinage artistique. Et c'est ça qui va en faire aussi une figure intéressante pour les Jeux olympiques qui s'en viennent. Oui. 91, vraiment, c'est aussi l'année où débute, ce triple axel qu'elle réalise au championnat américain. Mais le début de cette fameuse rivalité avec Nancy Kerrigan, c'est en 91 aussi que ça commence. Exactement, parce que pour la première fois, il y a 3 Américaines qui sont sur le podium lors de ces championnats. D'abord, Christy Yamaguchi qui va obtenir l'or, Tonya Harding qui va réussir à obtenir l'argent, elle va ensuite être suivie de Nancy Kerrigan qui obtiendra le bronze à ce moment-là. Alors, dès ce moment-là, tous les commentateurs vont comparer la performance des 3 patineuses, vont essayer de voir laquelle mérite de gagner les Jeux olympiques. Donc, tout de suite, la rivalité va être une création médiatique d'une certaine façon et la création des associations de patinage aussi qui va tenter de les comparer, de les distinguer et vont en faire une compétition. En fait, alors qu'en réalité, cette compétition n'est pas tout à fait réelle ou en tout cas pas aussi marquée que ce que les médias nous disent. Mais ils s'en donnent à cœur joie. Écoutez, il y a des expressions. Oui. On est là aussi dans le feuilleton. C'est la machine médiatique. Tout là, à fait. Mais, c'est assez succulent, là, la façon dont on les décrit pour les distinguer l'une de l'autre. Parce que physiquement, elles sont très différentes. Nancy Kerrigan, on la compare à Blanche-Neige, à Jackie Onassis, ouais. Une femme jolie, élégante, gracieuse. Et Harding, en comparaison, on la surnomme le petit barracuda. Alors, ouais. Ça vous donne une idée. Elle n'a pas du tout le même physique. Et d'ailleurs, le fait que Tonya Harding soit considérée comme moins jolie, moins féminine que les autres patineuses artistiques vont beaucoup influencer les perceptions qu'on a d'elle, va beaucoup influencer aussi comment elle va réagir à la façon dont on la juge. Et pourtant, les deux femmes viennent du même milieu ouvrier. On a l'impression que Nancy Kerrigan est une princesse qui vient de milieux bourgeois, mais pas du tout. Elles viennent à peu près des mêmes milieux. La différence, essentiellement, c'est une différence physique. Ouais. Dans la mesure où Nancy Kerrigan, effectivement, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus féminine que ne peut l'être Tonya Harding. Donc, une rivalité qu'exploitent les médias, que créent en quelque sorte les médias, qui commence en 91, qui se poursuit évidemment avec les Jeux olympiques d'Albertville en 92. Oui. Puis, 92, il faut s'en rappeler, mais c'est le moment où on va changer le calendrier olympique pour que les Jeux d'hiver et d'été soient en alternance, ce qui fait qu'il y aura deux ans seulement plus tard, les Jeux de Lillehammer en 94. Et c'est là vraiment où la rivalité entre Harding et Kerrigan va atteindre son paroxysme. Et alors qu'on se dirige, là, qu'on n'est plus qu'à quelques semaines de l'ouverture des Jeux de Lillehammer, voici ce qui se passe. Why? An awesome hard black stick. Something really, really hard. Help me. On entend les mots de Nancy. Et évidemment, on ne sait pas pourquoi. On vient de confirmer que elle a été frappée par un individu avec une barre de fer au genou droit. Puis le monsieur en question a fui à l'arrière par une porte dérobée et est reparti. On emmène d'urgence Nancy Kerrigan. Les paramédics font le plus vite possible et on attend des informations sur son état. Elle est soignée pour de très graves contusions au genou. Le lendemain, l'enflure est trop importante. Elle est déclarée forfait. Donc impossible pour elle de participer au championnat. À nouveau, un extrait de l'émission Variation Goldberg sur glace diffusée en 2014. C'est donc le 6 janvier 1994 que débute l'affaire Harding, Karine Prémont. Alain Goldberg nous en donnait un petit aperçu, mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bien, d'abord, ça se passe à Détroit, à l'Arena Cobo, où il y a une pratique pour éventuellement préparer les championnats en vue des Jeux olympiques. Donc, il reste quelques places au sein de l'équipe. En fait, il en reste une. Alors, on essaie de voir qui pourra l'occuper. Et donc, Nancy Kerrigan se pratique à ce moment-là. Et lorsqu'elle quitte la glace pour retourner dans le vestiaire, elle est attaquée. Donc, il y a quelqu'un qui surgit un peu de nulle part, qui lui envoie ce coup de matraque dans les genoux. Et évidemment, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de caméramans sur place, parce qu'on filme évidemment les préparatifs en vue des Jeux de 94. Et justement, ce qu'on a entendu, ouais. c'est ce qu'on voit à la télévision le ensuite. Pourquoi, aidez-moi. En fait, elle dit beaucoup « aidez-moi » et ensuite « mais pourquoi ?» Et souvent, ce qu'on a passé à la télévision, c'est vraiment le dernier bout, donc le « pourquoi ?» Et donc, elle est là en larmes et effectivement, elle ne sait pas encore si c'est grave ou pas ce qui vient de lui arriver. L'homme qui l'a attaqué disparaît rapidement, saute à travers une fenêtre pour quitter les lieux. Tout ça est un peu... on ne s'attend pas à ce genre de drame, disons, dans les coulisses du patinage artistique à cette époque-là. Et donc, tout ça se déroule, bien sûr. Deux jours après, ce sont les championnats mondiaux du patinage artistique qui visent à assurer une place aux Jeux olympiques de 94 en Norvège. Et c'est Harding qui va remporter la médaille d'or, évidemment. Il y a des journalistes qui vont dire « Ah, ben c'est parce que Kerrigan n'était pas là, c'est ça qui l'a aidé, ouais. Vraisemblablement. » Mais en même temps, Kerrigan va se faire offrir aussi une place en raison de ce qui lui est arrivé. Donc, les deux participeront aux Jeux olympiques. Et on surveille beaucoup ça parce qu'en 92, les Jeux olympiques, c'est Tonya Harding qui était la favorite à ce moment-là. À Albertville, effectivement, c'est Tonya Harding qui était l'une des favorites parce qu'on avait ajouté des sauts au programme et on savait que c'était la force de Harding. Mais en fait, elle était très peu préparée. Elle est arrivée 3 jours seulement avant la compétition à Albertville. Elle va terminer 4e. Ouais. Donc, ça se passera pas bien pour elle. Et donc, 94, là, c'est le moment pour elle de démontrer... C'est le jeu de la revanche. Exactement. Ouais. Bon, évidemment, à la suite de cette attaque du 6 janvier, Karine Prémont, la police commence son enquête, la police de Détroit. Et assez vite, il y a une série d'arrestations là, qui vont suivre. Oui, parce qu'il y a des appels, des dénonciations anonymes qui vont s'effectuer au bureau de l'enquêteur, M. Napoléon. Et on va d'abord arrêter Sean Eckerd, qui est le garde du corps de Harding. Et très rapidement, il va confesser qu'il a effectivement fait partie de ce complot. Il va dénoncer son principal complice, Jeff Gillooly, qui est l'ex de Tonya Harding. Celui-ci va se rendre au FBI le 19 janvier. Et là, il va impliquer à son tour toutes les autres personnes, Tonya Harding elle-même, Eckerd, Deckard, bien sûr, mais aussi Shane Stan, celui qui a frappé Nancy Kerrigan, et l'oncle de celui-ci, M. Smith, qui, lui, a conduit la voiture qui permettait à tout le monde de s'échapper. Donc, très rapidement, là, l'étau est fermé autour de Tonya Harding. Et donc, on se demande quelle est l'implication de celle-ci dans cette attaque. Et on revient au tout début de l'émission avec cette confession, cette première confession qui n'est pas complète, ça, on le saura plus tard, mais le 27 janvier 1994, quand même, elle admet Tonya Harding avoir été mise au courant du complot contre Nancy Kerrigan. À ce moment-là, elle dit qu'elle l'a su après que les faits étaient commis. Mais évidemment, c'est une petite bombe là, qui explose aux États-Unis. Parlez-moi de ce que ça provoque comme réaction au pays, cette première confession. Bien, d'abord, ce sera le début de la diabolisation de Harding dans les médias. Là, c'est comme si, soudainement, son aspect moins féminin, son côté barracuda, la prédisposait aux yeux de plusieurs à commettre ce genre de gestes. Alors, on va l'accuser sans procès, sans éléments de preuve, sans grand-chose, en fait, à ce moment-là, bien sûr. L'Association américaine de patinage va aussi délibérer sur son cas. On va se demander si on peut l'autoriser à participer aux Jeux olympiques dans un tel contexte. La réponse est oui, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'accusations formelles qui sont portées contre elle. Et même si on disait non, bien, elle aurait toujours, Mme Harding, cette possibilité d'aller en cours. Et donc, en attendant, il faudrait bien qu'elle se rende aux Jeux olympiques. Donc, d'une façon ou d'une autre, on décide de lui permettre d'y aller. Donc, les compétitions de patinage artistique aux Jeux de 94 débutent en février. Oui. Et c'est un vrai cirque médiatique, on peut bien l'imaginer. D'abord parce que Mme Kerrigan, lors de la pratique quelques jours avant, décide de porter le même costume qu'elle avait lors de l'attaque. Évidemment, pour plusieurs journalistes, évidemment, c'est ce que certains ont dit. En même temps, pour elle, c'est une façon de dédramatiser un peu cet événement-là, de reprendre un peu le contrôle pour chasser un peu la peur de cette attaque-là. Il y a 400 journalistes américains qui vont couvrir le patinage artistique, la compétition dans laquelle se retrouvent Harding et Kerrigan. C'est digne du Super Bowl. Il n'y a jamais autant de journalistes pour couvrir ce genre de sport. Des grands journalistes vont se déplacer aussi. Audience record à la télévision. Ouais. C'est la troisième performance sportive la plus écoutée de l'histoire. 49 millions de téléspectateurs. Alors que pour les Jeux de Sochi, par exemple, on parle de 20 millions de personnes à peu près qui ont écouté les compétitions de patinage artistique. Alors, on le voit, là, on est dans la démesure. Ouais. Parce que là, on est vraiment dans ce feuilleton. Le vilain petit canard qui est Tonya Harding et la princesse Nancy Kerrigan. Et comment se débrouilleront finalement les deux femmes, Kerrigan et Harding, à ces Jeux de Lillehammer? Kerrigan va remporter l'argent. Elle sera d'ailleurs fort mécontente de ça. Comme plusieurs, Kerrigan va penser que les juges ont voulu punir les États-Unis, en fait, pour toute cette saga, pour avoir un peu froissé cette image habituellement très lisse du patinage artistique. Elle a fait une très bonne performance, alors tout le monde s'attendait à ce que Kerrigan remporte l'or. Elle a remporté l'argent. Harding a fini 8e. Elle a d'abord demandé à recommencer sa routine, son lacet s'est brisé. On a des images de ça. En principe, les patineuses apportent plusieurs lacets. Elle ne l'a pas fait. Donc, une contre-performance tout à fait spectaculaire. Et évidemment, certains ont dit que ce n'est que justice, étant donné ce qu'elle a fait à Nancy Kerrigan. Donc, tout ça se termine de façon un peu brutale pour les deux patineuses impliquées. Just some Portland white trash. You confronted your sorrow like there was no tomorrow. L'affaire Tonya Harding est terminée. La patineuse américaine a reconnu avoir menti en ne révélant pas qu'elle était au courant de l'attaque qui se préparait contre sa rivale Nancy Kerrigan. Tonya Harding échappe à la prison, mais la cour l'a condamnée à 100 000 $ d'amende et à 3 ans de probation pour entrave à la justice. La patineuse perd aussi sa licence et son droit de représenter les États-Unis dans toute compétition. Nancy Kerrigan's charm. Well, she took quite a beating, so you're not above cheating. L'incident Kerrigan-Harding en 94 qui a vraiment mis le patinage à la une. Et par conséquent, quand CBS s'est trouvé sans contrat pour le football américain, ils ont regardé qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer le programming pour le samedi et le dimanche après-midi. Alors, ils se sont rendus compte que, comme sport pour les spectateurs, deuxième était classé le patinage. Alors, ils ont acheté certains événements pro, surtout, pour diffuser dans ces émissions. Et ça a connu un succès fou. Tonya, you were the bride. Le 16 mars 1994, Tony Harding plaide donc coupable à des accusations de complot visant à entraver le cours de la justice. C'est en quelque sorte, Karine Prémont, la fin de l'affaire Harding, même si cette affaire-là, on le disait un petit peu au début de l'émission, va vraiment laisser des traces durables dans la culture populaire américaine. Il y a cette chanson, d'abord, hein, qu'on vient d'entendre, écrite en 2017, qui en témoigne. Le commentaire d'Irina Ribbons, qu'on vient d'entendre aussi, en témoigne, extrait de l'émission Le Point en février 1998, de ces traces-là, le patinage qui tout à coup devient vraiment un sport très populaire aux États-Unis. Mmh. Avec le recul, quelles leçons on peut tirer de cette affaire-là? Peut-être en revenant d'abord sur les deux principales protagonistes, qu'est-ce qu'elles vont devenir après l'affaire, Tony Harding et Nancy Kerrigan? En fait, ça se passe pas bien, ni pour l'une ni pour l'autre, en réalité. Pour Nancy Kerrigan, cet événement-là va être dramatique, évidemment, à plusieurs points de vue. D'abord, attaque contre son intégrité physique, c'est quand même pas rien. Mais puisqu'elle n'a pas été blessée très sérieusement, quelques coupures, quelques contusions, ben, les cris, les pleurs qu'elle a fait lors de l'attaque ont été tournés en dérision par les médias parce que là, ça devenait beaucoup trop théâtral, en fait, pour les conséquences qu'elle a eues en réalité. La princesse, la pleurnicheuse. C'est ça. Elle va passer très rapidement de princesse à femme capricieuse, femme méchante, parce que notamment lors des Jeux de 94, lorsque c'est l'Ukrainienne qui remporte l'or et qu'elle se retrouve avec l'argent, on l'entend. Un micro va capter ce qu'elle dit pendant la cérémonie de remise de médailles. Elle va accuser la gagnante d'être une enfant gâtée, de retarder la cérémonie des médailles. Donc, ça va écorcher son image de princesse un peu. Un peu plus tard, elle participe à un spectacle mise en œuvre par Disney. Et encore une fois, on va l'entendre sur micro dire « c'est vraiment insignifiant, cette affaire. This is so dumb » en anglais. Ouais. Donc, en réalité, pourquoi je participe à ça? C'est un peu sous-entendu. Donc, très rapidement, son image va en prendre un sacré coup après ces affaires, après cette attaque. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, elle devra sortir déguisée, ou en tout cas camouflée, parce que les gens l'assaillent, que ce soit ses fans ou ses détracteurs. Après cette attaque-là, il faut comprendre que les patineuses artistiques ont acquis une espèce de statut de vedette, là, aux États-Unis en particulier, donc elle devra se cacher un peu. Pour Harding, c'est encore pire, évidemment. La honte, le ridicule, l'humiliation, elle va connaître une période assez sombre. Photos nues, diffusion de vidéos sexuelles, par exemple. Elle va s'impliquer dans la lutte. Elle mènera un combat de boxe contre Paula Jones, qui était une des accusatrices contre Bill Clinton dans les années 90 aussi. Aujourd'hui, tout ça semble derrière elle. Elle est remariée, elle a un enfant. Elle s'entraîne encore, mais vivote de petits boulots, évidemment, parce que même si elle peut entraîner des enfants, bien évidemment, le comité olympique ne lui permet pas d'être entraîneuse de professionnels ou en tout cas d'amateurs qui peuvent se rendre aux Jeux olympiques. Il y a une chose, avec le recul, on regarde ça puis on se dit le traitement qu'elles ont subi toutes les deux médiatiquement. Il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond de misogyne là-dedans, Karine Prémont? Les années 90 ont été terribles pour les femmes, bien évidemment, dans les médias. On pense à Harding et Kerrigan, mais on pense à Anita Hill aussi, on pense à Monica Lewinsky. Ces femmes-là sont devenues des gags dans les émissions de fin de soirée, des parodies. On les infantilise, on les ridiculise, évidemment. On les traite de façon souvent sexiste. Et si je peux me permettre de citer une journaliste du Washington Post qui a assez bien décrit la situation, qui disait « On a là deux athlètes de classe mondiale qui sont finalement réduites à jouer un rôle de combattante de rue, sont obligées en fait de se taper dessus pour attirer l'attention, alors que ce sont des athlètes extraordinaires. Ouais. Donc, et c'est ça qu'on fait souvent avec les femmes dans les médias dans les années 90. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, habituée de l'émission, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.